travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Altos abus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Lorraine de Cazal, justement, parlait d'abus. Avez-vous identifié quelques des irrégularités, des abus? Il y a eu beaucoup d'aides attribuées pour les entreprises par le gouvernement. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Alors, déjà, je vais essayer de pas être dans la caricature, justement. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, on a pu voir déjà depuis quelques années, donc des abus qui se sont accentués depuis notamment les ordonnances Macron. J'ai pas de jugement de valeur à apporter sur les ordonnances, mais il s'avère que dès lors qu'on flexibilise le droit du travail, on offre la possibilité aux entreprises de négocier directement en interne les règles. Il faut savoir que plus on est proche de l'entreprise, moins la capacité de répondant des salariés pour négocier est forte. Donc forcément, les garanties deviennent de plus en plus faibles par rapport aux dispositions légales lorsqu'elles étaient bien cadrées dans l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, il y a commencer à avoir des abus dans le droit, que ce soit individuel pour les salariés ou que ce soit dans le droit collectif, c'est-à-dire négocier avec les délégués syndicaux dans les entreprises. Ce que on a pu voir depuis spécifiquement la crise du Covid-19, c'est effectivement donc un gouvernement qui a été très présent, notamment par l'activité partielle qui a été mise en place avec une prise en charge des salaires et qui s'est pas reflété pour les salariés comme une protection. Ça a été davantage une protection des entreprises qu'une protection des salariés dans les faits. Puisque notamment, nous, on a pu voir une grande partie des salariés qui ont été tout simplement licenciés, donc licenciés de fait, parce qu'ils n'ont même pas eu le droit à un entretien préalable, puisque les employeurs ont utilisé le prétexte du Covid pour ne même plus convoquer leurs salariés à un entretien préalable et ne même pas envoyer de lettre de licenciement. Donc, ils ont été, j'ai même un salarié qui a été licencié sur le cas d'une gare. Donc, voilà, on est à ce niveau-là. Et il y a aussi une grande partie, évidemment, les chiffres officiels sont vraiment minimes sur ce point de vue-là, parce que le véritable abus de l'activité partielle, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de salariés qui ont travaillé alors même qu'ils étaient en activité partielle. Le télétravail a été pour les entreprises une véritable aubaine, sauf qu'en fait, le télétravail, c'est une modalité d'organisation du travail et on n'est pas censé demander à bénéficier de dispositifs d'activité partielle lorsqu'on demande à ses salariés parallèlement de faire du télétravail. Donc là, c'est un véritable abus qui a été constaté. Les salariés étant pétrifiés par cette crise et dans une crainte absolue de perdre leur emploi, ont accepté tout et n'importe quoi, en dérogeant totalement à leurs droits. Et là, ça se poursuit évidemment avec des plans sociaux. Mais il y a surtout un instrument, parce qu'à la limite, aujourd'hui, c'est horrible ce que je veux dire, mais à la limite, un PSE, ça devient protecteur pour un salarié, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont tout un panel de dispositifs alternatifs au PSE qui sont beaucoup moins protecteurs des salariés et qui vraiment entament considérablement leurs droits.